tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Réunion première, il est 10h, le journal de France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Les Bleus ont calé au démarrage 0-0 contre la Biélorussie pour ce premier match des éliminatoires du Mondial. Gaël Monfils, seul Français en demi-finale de l'US Open de tennis. Tsonga, blessé au genou, a dû abandonner contre Djokovic. Une première dans l'histoire syndicale. FO et la CGT font leur rentrée ensemble. Ils reprennent le combat contre la loi travail. Pas question de recompter les voix. Ali Bongo reste inflexible une semaine après sa réélection contestée à la tête du Gabon. Vous l'entendrez dans ce journal. France Info. Et on commence, Mathilde, avec cette question. Faut-il continuer les greffes de visage ? Ces opérations sont extrêmement douloureuses, elles restent risquées. Il y a beaucoup de contraintes pour les patients, des traitements anti-rejet à prendre à vie et qui entraînent souvent des complications. C'est ce qui est arrivé sans doute à Isabelle Dinoir, la première femme au monde greffée du visage. Elle est morte au printemps dernier, mais on ne l'a appris qu'hier. 10 ans après son opération, elle luttait contre 2 cancers. Mais malgré tout, les greffes de visage valent la peine d'être tentées. C'est ce que pense Jérôme Hamon, l'un des 10 Français à avoir reçu une telle transplantation. Jérôme Jadot. Certes, on voit bien derrière ses lunettes qu'il a été opéré. Certes, il soutient de 2 doigts sa mâchoire pour améliorer sa diction. Mais 6 ans après sa greffe, Jérôme Hamon revit. Il est atteint d'une maladie génétique qui lui déformait le visage. Avant la greffe, c'était des moqueries, genre Elephant Man, Quasimodo. Ça m'est arrivé dans le métro de m'asseoir à côté de quelqu'un, que cette personne me regarde, se lève et va s'asseoir ailleurs. Puis grâce à ma greffe, tout ça s'est calmé. Donc c'est vraiment le bonheur. Et ce, malgré le lourd traitement qui a causé fatigue et nervosité, malgré des débuts de rejet qui ont nécessité 3 ou 4 retours à l'hôpital. La mort d'Isabelle Dinoir a bien sûr touché Jérôme Hamon, mais ne l'a pas surpris. C'est malheureusement le risque des greffes, on le sait, puisqu'on est informé par les équipes médicales. Il faut vivre avec cette épée de Damoclès. Une menace qui n'empêche pas Jérôme Hamon de vivre ses années post-greffe comme du bonus. Si c'était à refaire, je le referais, dit-il, en espérant que la mort d'Isabelle Dinoir ne réfrénera pas les dons d'organes. Jérôme Jadot. L'été est passé, la loi travail a été votée, mais les syndicats sont déterminés à reprendre la contestation. Les 7 organisations opposées à cette réforme font leur rentrée avec un meeting commun ce soir à Nantes, en Loire-Atlantique. Un département où la mobilisation contre la réforme El Khomri a été particulièrement importante. 18 manifestations au printemps dernier. Et dans ce combat, FO et la CGT marchent toujours main dans la main. Raphaël Ebenstein. Faut-il y voir un simple hasard du calendrier? Au moment même où Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly feront estrade commune à Nantes, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sera lui en tout cas dans le bureau de Myriam El Khomri. Officiellement pas pour parler de la loi travail, définitivement adoptée en juillet, mais plutôt pour évoquer la mise en place du plan 500 000 formations pour les chômeurs ou les élections professionnelles dans les TPE, les très petites entreprises prévues à partir de fin novembre. Les opposants l'admettent à demi-mot, il sera évidemment difficile de continuer à mobiliser dans la rue contre le texte, mais la bataille va se déplacer sur le terrain juridique. Les syndicats étudient d'ailleurs tous les recours possibles et misent sur le fait que certains décrets d'application ne soient jamais signés. L'idée semble aussi de conserver le plus longtemps possible une certaine unité face au gouvernement. Outre ce meeting commun à Nantes, il y aura aussi, voire surtout, la visite de Jean-Claude Mailly, samedi, à la Fête de l'Humanité, où aucun secrétaire général de FO ne s'est jamais rendu. Il y avait le lait et Lactalis, il y a maintenant la viande et Carrefour. Les éleveurs bovins se plaignent eux aussi des prix trop faibles. Le numéro 1 de la grande distribution n'est pas assez généreux avec eux et ils ont l'intention de bloquer plusieurs supermarchés aujourd'hui à Lyon, Paris, Bordeaux et Clermont-Ferrand notamment. Les coupures d'eau sont illégales depuis 2 ans en France, mais la loi n'est pas toujours respectée. Les opérateurs continuent de fermer le robinet en cas d'impayé. La société privée SOR a ainsi été condamnée 2 fois cet été. Elle a dû verser 11 000 euros de dommages et intérêts aux familles. C'est une information France Info. Le risque d'incendie est élevé aujourd'hui dans le sud-ouest. La Gironde et les Landes sont en vigilance rouge. Il est interdit de se promener dans les forêts de ces 2 départements. Au Portugal, les incendies redoublent d'intensité. Le pays est confronté à une centaine de feux. Plus de 3500 pompiers sont mobilisés. L'Europe émet à son tour des doutes sur la réélection d'Ali Bongo à la présidence du Gabon. Les observateurs sur place estiment qu'il y a eu des anomalies le jour du scrutin. Plusieurs pays, dont la France, ont demandé que les bulletins soient recomptés, mais une semaine après sa réélection, Ali Bongo reste inflexible et il estime être dans son bon droit. On me demande de violer la loi. Alors, c'est quand même particulier parce que souvent, on fait le reproche aux Africains de ne pas suivre les lois de leur pays. Moi, je ne dicte pas les lois, je les fais appliquer. C'est le rôle de tout gouvernant. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle que l'on compte et l'on fait le recomptage des bureaux de vote. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle. L'opposition dit qu'elle n'a pas confiance en cette institution, qu'elle juge biaisée et que les verdicts de la Cour constitutionnelle sont connus d'avance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que lorsqu'un candidat de l'opposition gagne une élection qui est validée par la Cour constitutionnelle, curieusement, cette Cour constitutionnelle ne pose pas de problème. Et pourquoi donc les résultats pourraient être biaisés? En matière de résultats, c'est curieux aussi qu'on ne regarde pas les résultats dans d'autres endroits du territoire où M. Ping a fait les 100%. Ali Bongo, invité de nos confrères de RFI ce matin. Un enfant sur 200 dans le monde est un réfugié. Ce nombre a doublé en 10 ans, c'est ce qu'affirme l'UNICEF dans une étude publiée aujourd'hui. La guerre, les persécutions, mais aussi l'extrême pauvreté les poussent à quitter leur pays. Plus qu'un Français, donc, en lice à l'US Open de tennis. Oui, c'est Gaël Monfils qui a facilement battu Lucas Pouille. Quant à Joe Wilfried Tsonga, il a posé un genou à terre. Un abandon sur blessure qui profite à Novak Djokovic. Le récit de la nuit avec Jérôme Val à New York. Lucas Pouille, trop fatigué par les efforts de ces derniers jours et son marathon de match en 5-7. Joe Wilfried Tsonga, trahi par son genou gauche au début du deuxième set, est obligé d'abandonner la partie alors qu'il était mené 2-0. Le camp français n'a pas été épargné par les pépins au stade des quarts de finale. Seul, Gaël Monfils poursuit sa route pour la 2e demi-finale en grand chelem de sa carrière. Monfils, une nouvelle fois impressionnant hier sur le court central, et il retrouvera après-demain Novak Djokovic, le Serbe qui n'a pas eu à forcer face à Tsonga, le numéro 1 mondial au passage verni depuis le début du tournoi avec 2 matchs complets seulement. Il a disputé 84 jeux au total. Pas beaucoup d'énergie dépensée, tout comme Monfils qui affiche une forme incroyable. Le combat va promettre et on oubliera à l'occasion les statistiques. Le Parisien n'a jamais battu Djokovic. 12 matchs, 12 défaites. New York, Jérôme Val, France Info. Les Bleus, à côté de leurs crampons hier soir, incapables de marquer 0-0 contre la Biélorussie. C'était le premier match de la France, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018 de football. Prochain rendez-vous le 7 octobre à domicile face à la Bulgarie. Rio rallume la flamme. Les Jeux paralympiques s'ouvrent ce soir. Une édition au rabais, question organisation. Le comité brésilien n'a plus d'argent. Il a dû couper dans les budgets comme celui de la cérémonie d'ouverture. Plusieurs fêtes ont été annulées. Les services de transport ont été réduits et de nombreux écrans géants ont été enlevés. Allez, on termine avec un film de cow-boy parmi les sorties cinéma du jour. Comancheria de David Mackenzie avec Jeff Bridges. Alors là, on est est loin de John Wayne. C'est un western du 21e siècle dans un Texas en crise. Les deux héros se battent d'ailleurs pour éviter la saisie de leur propriété. Le film mélange les genres, polar, humour, social. Et le résultat, Thierry Fioril, est jubilatoire. C'est un big bang. Qui n'a pas rêvé un jour de braquer sa propre banque pour la rembourser ? Dans des paysages désertiques et désœuvrés, deux frères, Chris Pine et Ben Foster, un taiseux et un ex-tolar, réunis par la mort de leur mère, écument les agences de la banque qui a mis en faillite leur ranch familial. Dans un Texas surinvesti par le cinéma, David Mackenzie parvient à surprendre. Il commence comme dans un western loufoque, puis introduit tout ce qui fera le charme de son film. La relation entre les frères, Jeff Bridges en vieux flic bougon au bord de la retraite, les clichés sur le Texas, les Indiens Comanches, et il se garde bien de désigner les bons et les méchants. Je suis très excité par l'idée de structurer une histoire qui a plusieurs saveurs, tonalités, rythmes. C'est intéressant que le film navigue dans les eaux de la politique américaine. Ça parle d'armes, de races, de familles, de banques, de pétrole. Et le film ne donne pas de réponses. Il pose des questions et permet de déployer un tas de personnages, même s'ils ne font pas que des choses bien. Et comme dans un grand western, il y a des silences et de la bonne musique, signé Nick Cave et Warren Ellis. Vous l'avez compris, donc on a beaucoup aimé ce film, on en est même partenaire, ça s'appelle Comancheria de David Mackenzie. Et le journal, c'est l'info, c'était Mathilde Munoz, merci Mathilde. Un mot de météo Sophie Briat, c'est le retour du soleil sur tout le temps. Bonjour à tous, il est 10h09 sur la première. Un soleil radieux, peu de vent et des températures qui grimpent très très vite. Profitons surtout de ce beau mercredi et puis dans l'après-midi. Et pour ne pas changer des jours précédents, les nuages des hauts descendront jusque sur le littoral. La nuit sera fraîche dans les cirques et dans les plaines. Les experts de ce matin, Denise Sula, la présidente de la SPA, c'est la Société Protectrice des Animaux, le vétérinaire Pascal Ramassamy et Charlie Gilbert, éducateur canin. Le chien, le meilleur ami de l'homme, est au cœur de votre émission de service. Un seul numéro pour poser toutes les questions, le 02 62 99 2000. Et vous avez la possibilité de nous laisser des textos au 06 92 70 2000. Nous verrons les démarches à faire pour adopter un animal, combien il vous faudra surtout des bourser. Nous parlerons de la santé du chien, de son comportement, comment faire son éducation, quelle alimentation surtout pour le chien. Son carnet de vaccination est-il à jour? Les experts vous écoutent et vous répondent jusqu'à 11h30 sur la première. 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montani. Natacha Tortillard sur la première. Danser, fait rouler, défouler comme l'arrivée. Mon gâté Agathe, comment il fait swinguer son petit cadence bien chaloupé. Sa note, ses gars, il met au fait. Il faut pas. Et dans moins de 30 secondes, nous irons retrouver Jean-Claude Machir. Il est sur Saint-Gilles, notamment dans le cadre de la 3e édition du salon Run in Tech. On en parlera juste après. 5h, 8h, grand matin sur Réunion Première. C'est l'heure du café. Bonjour. On est ravis de vous accompagner, de faire la route avec vous. On parle plein de vitamines ce matin. Peut-être au pied du lit pour vous ou déjà sur la route. Une très bonne route avec la première. On est dans le même bateau, c'est pour ça qu'on est content d'être avec vous. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette du lundi au vendredi de 5h à 8h sur Réunion Première. Il est 10h15 sur la première. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run in Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Run in Tech dans l'Ouest. Jean-Claude Machir, bonjour. Bonjour Claude, bonjour la Réunion qui se réveille peut-être. En tout cas, un salon réservé aux professionnels. Et j'espère que vous êtes nombreux parmi les professionnels à vous être inscrits parce que je découvre de nombreuses technologies. Et vous savez, la question qui nous préoccupe tous à nous, animateurs et journalistes, lorsque nous sommes en extérieur, c'est améliorer la qualité de notre soin. Alors je ne sais si je vais trouver mon bonheur aujourd'hui. En tout cas, nous avons deux jours avec ces professionnels pour vous le démontrer. Le 7 et le 8 septembre, donc un salon réservé aux professionnels. Monsieur Bruno Milo, bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'intérêt de ce salon et pourquoi ce salon Run in Tech ? Alors d'abord, c'est un salon fait par des professionnels, pour des professionnels. Donc c'est ça là, qui est important. Pourquoi ce salon ? D'abord, c'est le troisième du nom, hein, c'est le troisième Run in Tech. On avait 30 exposants, 25 la première année, 35 la deuxième. Là, on est presque à 50 exposants. Donc il y a beaucoup de demandes de petites entreprises qui peuvent pas s'organiser dans des salons et qui sont contentes de travailler avec nous sur ce salon. Alors nous, ce qu'on veut, c'est montrer l'innovation de la Réunion. Il y a énormément d'entreprises, de micro-entreprises, de start-up qui ont des projets, des idées, mais qui ont du mal à les montrer. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est montrer tout ce qui est innovation à La Réunion. Le faire toucher du doigt par nos clients, le faire toucher des yeux aussi. On veut que les gens voient l'innovation. C'est pas quelque chose qui existe dans les livres ou dans les PowerPoint. C'est quelque chose qui se touche et qui se voit. Alors, il y a aussi deux nouveautés cette année, le Rolling Jump et la Start in Tech. En quoi ça va consister, ces deux nouveautés que vous proposez cette année, le Rolling Jump pour les stages dating? Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'on veut absolument que les gens viennent. Alors, je viens de vous dire que c'est un salon pour les professionnels, mais on veut faire venir aussi des étudiants. Donc, on a sélectionné 4 écoles, même 5, on va dire 5 écoles. Il y a à peu près 80 étudiants qui vont venir et une de ces écoles a un projet pédagogique qui consiste à confronter les entreprises avec les étudiants. Mais là, je vous laisse deviner la suite. Il faut absolument venir, ça va être très innovant, justement. Merci à vous, M. Bruno Milo. Vous l'avez compris, je rappelle que vous êtes le président de Store. En tout cas, très salon dans lequel on rencontre de nombreux professionnels. Il y a aussi des drones. Alors, j'espère que je vais réussir à trouver mon bonheur. Claude, et d'ici demain, je vous dirai ce qu'il en est pour la qualité de notre son. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run in Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Et on s'intéresse ce matin sur la première jusqu'à 11h30 au meilleur ami de l'homme, le chien. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Nous accueillons Pascal Ramassamy qui est vétérinaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Charlie Gilbert, éducateur canin. Bonjour. Bonjour Claude. Il manque à l'appel mais elle arrive parce qu'elle est coincée dans les embouteillages. C'est Denise Sula, la présidente de la SPA. Alors prendre un chien messieurs, c'est pas prendre un chien sur un coup de tête, Pascal Ramassamy. Non, c'est un acte réfléchi. D'abord, il faut systématiquement discuter avec des professionnels, que ce soit vétérinaire, éducateur canin ou éleveur. Pour une raison simple, c'est que souvent, les gens agissent spontanément, de façon, j'allais dire, presque sentimentale. Ah, le petit chien est mignon. Ah, je veux un petit chien. Ma copine a un petit chien. Le problème, c'est qu'il faut étudier la situation familiale. Vous n'allez pas faire prendre un chien à une famille où vous avez 3 enfants en bas âge, vivant dans un appartement. Vous avez déconseillé. Vous avez déconseillé à des personnes âgées de prendre un molosse. Oui, aujourd'hui, il est petit, il est mignon, on dirait une boule. Demain, il va faire 70 kilos. Comment fait-on donc ? C'est un acte réfléchi. Et puis surtout, ce qu'il faut avant tout savoir, c'est lorsque vous prenez un chien, vous vous engagez pour au moins 15 ans. Voilà. Au moins 15 ans. Ça, c'est important. Alors, c'est une information très importante. C'est le chien, voilà, l'âge du chien, c'est entre 10 et 15 ans à peu près. Entre 10 et 15 ans, en fonction de la taille du chien, sachant que ceux qui sont plus petits vivent souvent plus longtemps. Mais le gros souci, c'est qu'il y a aussi 15 années d'évolution de votre vie qui va être, j'allais dire, qui va accompagner la vie du chien. L'enfant qui part faire ses études, il laisse le chien à maman-papa. Maman-papa, ils n'aiment pas les chiens. Maman préfère ses fleurs. On fait quoi ? Je veux dire, c'est un acte réfléchi. Je veux dire, vous allez devoir donner, penser pour 15 années futures. D'accord ? Y compris penser aux accidents qui pourront ou pourraient survenir. Mais malheureusement, cet achat, il est souvent, je vous dis, sur un coup de tête ou un coup de cœur. Ouais, c'est ça, oui. On a un effet très néfaste des médias et de la télévision. D'accord ? Il suffit de voir les noms que donnent les clients à leurs chiens. Il suffit qu'il y ait eu Josimé qui ait fait un truc à la télé. Et puis on est parti, tous les chiens s'appellent Josimé. Ah, les Beethoven. Ça va jusque-là parce qu'elle ramasse amis. Les Beethoven, j'en ai vu passer des tonnes. Hein. Les Beethoven, parce qu'il y a eu le film Beethoven. Oui. Oui. Ouais. J'ai refusé 3 Dimitri ce mois-ci. 3 Dimitri ? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent appeler leur chien Dimitri, je ne sais pas. L'effet Dimitri Payet. Pas mal parce qu'elle ramasse. Non, mais c'est pour ça que vous rendez compte, au bout d'un. J'ai 25 ans d'exercice. Il y a 25 ans, presque avec la même clientèle. Donc je peux me permettre de crier quand je ne suis pas content et de dire non quand je ne veux pas. Vous voyez ? Mais il y a des situations où vous vous rendez compte. Vous dites aux gens qui viennent vous voir que vous n'êtes pas d'accord avec le nom du chien, le nom donné au chien ? Bien sûr. Bien sûr. Des fois, je rigole. J'ai une cliente dont le chat s'appelle Massalé. Bon, ça m'a fait rire. Mais il se serait appelé Rama, j'aurais dit non. Charlie Gilbert, éducateur canin, votre sentiment. Et puis alors, n'hésitez pas à joindre Mathias au standard de la première. Les experts sont là pour répondre à toutes les questions. Pascal Ramassamy, qui est vétérinaire. Nous attendons Denise Sula de la SPA. Et puis Charlie Gilbert, éducateur canin. Alors, votre réaction, s'il vous plaît. Pascal a tout dit. Peut-être aussi prendre en compte que pendant 15 ans, enfin une moyenne de 15 ans, de vie du chien, et ça représente un budget également, que ce soit les soins, avec le vétérinaire, l'alimentation. Les soins, ça on l'entend souvent, les soins chez le véto ne sont pas donnés aussi. C'est pas donné, mais moi je pense que c'est le juste prix. Maintenant, l'alimentation, si c'est pour acheter une alimentation basique, etc., on dérape déjà sur l'entretien de son chien. Donc une bonne alimentation, ça lui évitera d'aller moins souvent chez le vétérinaire. Donc, faut pas avoir peur, mais tout ça, c'est un budget. Et bien souvent, quand on achète un chiot, on oublie tous ces paramètres. Ça fait que au bout d'un an, ou même certainement avant, des fois, on s'en sépare. Parce que ça représente un budget et puis qu'il devient encombrant. Le plus élevé, le plus cher pour son chien, c'est l'alimentation parce qu'elle ramasse à mie. On sait aussi quand même pour les soins. Donc, tout dépend. De toute façon, un chien, on va dire qu'il n'a aucun problème, il aura au minimum un vaccin par an. D'accord ? Donc la visite, le vaccin, on est dans une fourchette qui se situe entre 50 et 80 euros. D'accord ? Maintenant, rajouter ne serait-ce que les antiparasitaires, que ce soit contre les puces tiques ou contre les vers. Les shampoings. Sont des choses de base. Ah, oui, prendre un chien, il a raison, c'est aussi un budget. Et tout ça, hors accident ou incident. Et là où j'insiste, parce que systématiquement, je le déconseille à mes clients, ce sont les portées. J'ai dit, laisser la reproduction aux éleveurs. Ah oui, mais je veux des bébés. Je sais pas des bébés, c'est des chiens. J'ai dit oui. Et eux voient que le côté bisounours. Les bébés, ils disent si ça se passe mal, et s'il faut faire une césarienne, et si la maman, elle meurt en couche, évitez-moi ces problèmes-là, vous n'êtes pas capable de les gérer. Merci de préciser tout ça, c'est le Ramassamy. Oui. Alors, sur le budget, il ne faut pas oublier, pour certaines races, c'est le toilettage aussi, qui n'est pas donné. Hein. Disons que ça reste. Quelqu'un qui aime vraiment son chien, qui est passionné, d'accord, il va savoir toiletter. Oui. Maintenant, celui qui dépose toi à l'étage, ou il se sent pas capable, ou il a mal éduqué son chien. Chien bouche-trouille, je parle aussi bien chien que chat. Hein. Oui, oui. Parce qu'il nous arrive d'avoir des clients qui viennent en disant « j'arrive pas à couper les poils de mon chat, c'est pas mon métier ». Mais vous voyez qu'ils n'y arrivent pas vraiment. Pascal, quelqu'un qui adore son animal, il va vouloir vraiment un toilettage approprié, vraiment oui, proche, oui, voilà, il va mettre le prix. Mais c'est un budget. On tombe sur le même problème, on retombe sur le côté passion. Oui, bon, oui, voilà, si la personne est réellement passionnée, elle fera tout ce qu'il faut pour que sa relation avec le chien suive le rythme de cette passion. Mmh. Mais maintenant, quand vous tombez sur les effets de mode, oui, c'est là où on a le problème. J'ai pris, c'est joli, c'est mignon. Ah, maintenant, c'est plus joli. Qu'est-ce que je fais? C'est pas aimable, hein, on va pas jeter. Hein. Denise, c'est là, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écouté la conversation, évidemment, conversation passionnante. Ça fait des années que vous êtes dans le milieu, vous êtes à la SPA. Alors, tout ce que l'on dit, ce choix sur le chien est important. Ne pas prendre un chien sur un coup de tête ou parce que c'est une mode d'avoir tel ou tel chien. Oui, ou pour en faire cadeau aux enfants. Voilà. Non. Et après, comme l'autre jour, nous avons eu l'abandon d'un petit York. Le monsieur avait acheté ce petit York pour sa fille qui partait faire des études en métropole. Eh bien, il ne voulait plus le chien. Il nous a ramené le chien. C'est une jolie petite chienne qui fait 2,8 kg. Voilà. Voilà. Donc, de plus en plus, nous avons des chiens de race. Hein. Et pour le toilettage, bon, on a beaucoup de rasta. Hein. Il y en a beaucoup qui ne sont pas toilettés. C'est bien. Voilà. Denise Sulla, Pascal Ramassamy, Charlie Gilbert, les experts ce matin qui sont à votre écoute. Une question à poser, évidemment. Vous composez le 02 62 99 2000. La santé du chien, son comportement, son éducation, l'alimentation, sa santé. On en parle avec les experts sur la première jusqu'à 11h30. 10h midi, les experts avec Claude Montanil. Jean-Bernard de Piton-Sainte-Rose est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Pascal Ramassamy est vétérinaire, Denise Sula de la SPA et Charlie Gilbert, éducateur canin. Ils sont nos experts ce matin. Jean-Bernard, votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. J'aimerais prendre un chien de race, un Jack Russell, et je voudrais savoir auprès de qui je peux m'informer ou trouver ce type de race. Le Jack Russell, ce chien de chasse qui est très, très tendance surtout. Oui. Alors je note aussi, et merci à Mathias pour les petites informations, c'est que vous êtes sur votre tracteur. Exactement. Et vous avez un chargement de cannes. Voilà. Exactement. Mais bon. Je roule dans le chemin, sur l'exploitation, à 2 km/h, donc ça risque rien. Bon, vous allez à quelle usine pour la livraison ? Là, je livre sur Ravine Glissante. La Ravine Glissante à Sainte-Rose. Oui, exactement. Alors, les experts, ce chien, ce Jack Russell. Alors, Charlie Gilbert. La première chose, c'est de se rapprocher de la SCC, la Société Centrale Canine, qui va lui conseiller les élevages sur le département de La Réunion. Et la qualité des élevages. Après, il faut aller visiter les élevages. Mais il faut savoir qu'un Jack, ça a du caractère et il faut être sportif. Parce que ça a besoin de bouger. Écoutez, là, de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il y a de la surface pour ça. Et ça ne pose pas de problème. Puis vous avez aussi la possibilité, si je ne me trompe pas, d'aller sur les expositions canines. Je crois qu'il y en a une en fin d'année. En décembre. Oui. Où là, vous aurez tous les éleveurs de La Réunion qui seront présents. Oui, malheureusement, je serai absent. Je serai en métropole à ce moment-là. Donc, ça va poser un problème. Vous pouvez aussi prendre contact en métropole avec des éleveurs et ramener votre chiot. Je vous signale que la rage n'est plus obligatoire pour le transport de la métropole et de La Réunion, donc on n'a pas besoin d'attendre que le chien ait 4 mois. Ah oui. D'accord. Et quelles sont les formalités dans ce cas-là ? Identifier, vacciner, et vous pouvez faire entrer votre chien. Et un certificat. Et certificat de bonne santé, mais bon, en général. Qui n'est pas toujours demandé. Ça dépend, mais vaut mieux le faire parce qu'il suffit de tomber sur quelqu'un qui n'ait pas eu l'information. Mais en tout cas, vous pouvez. Autrefois, le frein pour prendre un chien en métropole, c'était qu'il fallait attendre 3 mois pour la rage, un mois d'incubation, et l'éleveur vous disait, moi, je n'ai pas gardé votre chien jusqu'à l'âge de 4 mois. Exactement. Mais aujourd'hui, ça n'est plus obligatoire, dans les transferts entre la France et la Réunion et la France, la rage n'est plus obligatoire. Ah, d'accord. Alors, la question, en fait, c'est, est-ce que le Jack Russell coûterait moins cher en métropole qu'à La Réunion. Non. Il n'y a pas de différence de prix entre la métropole et La Réunion. La seule chose, c'est qu'au niveau de la métropole, vous aurez plus de choix. Vous voyez ? Oui, je pense qu'effectivement, au niveau du nombre de portées, que ce soit dans telle ou telle région, on doit arriver à trouver plus facilement. Non, et puis surtout, choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez le Jack Russell juste pour la compagnie ? Est-ce que vous voulez déjà un petit peu initier à la chasse ? Est-ce que, vous voyez ? Donc ça vous permettra de faire le choix. Oui, je comprends. Non, ça sera difficile d'initier à la chasse dans la mesure où moi je ne suis pas chasseur. Pour avoir un chien avec nous, ma fille a 7 ans. Apparemment, elle en a vu 2-3 dans le coin et elle est attirée par ce chien-là. Pour éviter de prendre un chien trop conséquent aussi, trop gros en gabarit, vous voyez, enfin des choses comme ça. Quoi. Attention, il a du caractère, le petit chien. Oui. Avec les enfants. Attendez, parce que Charlie Gilbert est éducateur canin, il va nous dire, alors est-ce que dans les cours, vous avez des maîtres avec leur Jack Russell qui viennent comme ça assister aux cours ? Oui, mais tout à fait. Alors dites-nous franchement la particularité de ce chien. Ça a du caractère, c'est sportif, c'est hyper musclé naturellement, et ça aime bouger, donc s'il peut courir, comme monsieur dit, il y a l'espace, c'est l'idéal. C'est un chien qui remue, quoi. Hein. Oui, mais le comportement avec les enfants. C'est des enfants en bas âge que vous avez ? 7 ans. Non, c'est agréable comme chien. Mais ça bouge, quoi. Donc, des enfants jeunes, ça peut tomber, etc. Mais il aime jouer. C'est un chien qui aime jouer. Alors, par contre, il bougera avec ma fille parce que elle aussi elle aime bouger dans tous les sens. D'accord, ça commence bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il tient compte de sa vie de famille aussi, hein, notre auditeur. Il vit bien, il a une fille. Oui, c'est pas le cas. Le choix est réfléchi surtout. Un petit peu, oui, je crois. Ouais. Ouais. Alors, par contre, une autre information que Pascal a pas pensé, c'est que pour ramener votre chien de métropole, il y a certaines compagnies les autorisent en soute, bien sûr avec des cages spéciales pour leur sécurité, mais ça passe sur votre poids de bagage, vous n'avez pas de supplément. Eh oui, ça j'entends bien. Bon, après, on peut prendre un supplément de poids de bagage, c'est pas un problème. Eh bien, écoutez, bon choix de chien apparemment. Oui, voilà. Dites-moi, où est-ce que je peux avoir les numéros de téléphone de monsieur l'éducateur canin? On a votre numéro de téléphone, d'accord. On vous rappellera dans quelques semaines, surtout pour voir si vous avez trouvé votre chien. À savoir que j'ai eu en pension, en éducation, le Jack Russell du cirque Raluy. C'est un chat qui travaille. C'est un numéro celui-là. Voilà, ah, oui. Il fait du cerceau. Effectivement. Et donc, c'était génial. Quoi. Je l'ai eu pendant 3 semaines, c'était génial. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie tous et passez une bonne journée. Merci à vous, à très bientôt, Jean-Bernard. Et puis n'hésitez pas à joindre Mathias au 02 62 99 2000. Le Jack Russell qui est très tendance. Vous en avez à la SPA? Nous, on en a, mais quand on les a, ce sont des caractériels. Ah oui. Les caractériels. Merci, au revoir. Merci Jean-Bernard. Ouais. Et après, vous avez des gens qui viennent les chercher ou pas? Mais on ne le donne pas s'il y a des enfants. Ah. Non. Non. S'il a déjà posé des problèmes, on ne le donne pas. Et dans ces cas-là? Moi, j'ai ma nièce qui en a un et ça se passe très bien. Elle a 2 enfants en bas âge, mais elle a dû faire attention car même la petite chienne était devenue jalouse. Mais tu sais, c'est un problème avec. Parce qu'elle ramasse Samy, oui. C'est un problème avec tous les chiens, c'est un problème d'éducation de le premier temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 0 à 2 mois, quand le petit chien est avec sa mère, on a ce qu'on appelle la période d'imprégnation. C'est ça. Le chiot, il accepte tout. C'est le moment où il faut faire du bruit, où il faut initier le chien à toutes sortes de stress. Parce que même si sa mère a peur, lui n'aura pas peur. Quand il est adopté, quand il rentre dans une famille, on a, on va dire, de 2 à 6 mois, la période de socialisation. Et c'est là, la plupart du temps, où les gens c'est se bien fait, oui. La première chose que les gens n'arrivent pas à faire, c'est de dire non au chiot qui vient d'arriver. Oui. Oh, le chiot, il a on besoin dit oui, on d'avoir... On dit oui, on le laisse faire et en fait, c'est on dit pas ça, non. Il est mignon, on ne lui crie pas après. Ah, il est petit, il vient d'arriver, il n'a plus sa maman, il fait pitié. Donc, ils font l'anthropomorphisme. Et du coup, le chiot, non, il cherche une meute où il y a des règles, on ne lui donne pas de règles. Ben, il n'a pas osé sienne. Et c'est souvent comme ça que ça. Et comme avec, il a du caractère. Et c'est valable pour n'importe quelle race. Bien sûr. Même pour un petit chien coton, etc. Le nombre de gens qui vous disent. Surtout les petits. Surtout les petits, oui. Allez chez certaines personnes âgées, ils vont dire ah, vous asseyez pas là-dessus, c'est la place du chien. Attends. Non. Ah si. Et quand vous asseyez, le chien vous mord. C'est le fauteuil du chien, bien sûr. Et quand vous asseyez, le chien, il vient vous mord. Tout à fait, c'est exactement ça. Et vous avez un pinchot qui fait 1,5 kg, hein. Donc, ce n'est pas le molosse qui est le plus embêtant. Donc, mais en clair, c'est le chien qui fait le roi à la maison. Et souvent, c'est comme ça. Le gros souci, c'est cette période de socialisation. Ouais. Alors, ouais. Je choque souvent mes clients en leur disant, moi, un chien, ça, c'est du coup de pied dans le cul. D'accord. Quand je dis non, c'est non. Ah oui, mais il est petit. Et j'ai quand même... Vous avez 6 mois. Mais on est moins journal, on est moins bruit. Oui, mais vous avez 6 mois, ce que vous essayez de réussir en 13 ans sur un gamin. À 6 mois, mon chien, il est pubère. D'accord. S'il a pris des vilaines manières... Pour les enlever après, bon courage. Mais souvent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il est petit, il n'est pas petit. Il est en train de chercher des règles. Il vous demande de l'éduquer. Maintenant, il fait la demande. Mais bien sûr, le chien, il vient vous chercher. Le chien, avant de faire quelque chose, il vous regarde. Vous ne faites pas attention, il fait. D'accord? Mais le gros souci, c'est quand vous prenez un chiot, il faudra lui consacrer au moins 2 heures par jour au début. Ouais, mais peu de personnes le font. Ce sont là des conseils très importants. Charlie Gilbert, éducateur canin, Denise Sula de la SPA, Pascal Ramassamy, vétérinaire, ils sont avec nous jusqu'à 11h30 sur Réunion Première. Vous aimez les animaux, vous aimez les chiens, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ils sont avec nous sur la première. La santé du chien, on en parlera, du comportement, de son éducation, de son alimentation et puis surtout comment adopter un chien, on en parle juste après. Elle attend que le monde change, elle attend que change les temps. Elle attend que ce monde étrange se perde et que tourne les vents. Inexorablement, elle attend. Elle attend que l'horizon bouge. Elle attend que change les gens. Elle attend comme un coup de foudre le règne des anges. innocent, inexorablement elle attend. Tant ses couverts en argent, inexorablement elle attend. Et elle regarde des images et lit des histoires d'avant. Donnerait de grands équipages où les bons sont habillés de blanc. Et elle s'invente des voyages entre un fauteuil. Que ces vieux romans, aussi grand que celui qu'elle attend. Elle attend que le monde change. Elle attend que changent les temps. Elle attend que ce monde étrange se perde et que tournent les vents. Inexorablement elle attend. Les experts de ce matin, Denise Sulla de la SPA, Charlie Gilbert, éducateur canin, et puis Pascal Ramassamy qui est vétérinaire. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Denise Sulla, quelles sont les démarches à faire pour adopter un chien à la SPA ? Eh bien écoutez, il faut venir nous voir et avoir les critères qui correspondent, c'est-à-dire avoir la place de recevoir un chien, même si c'est un appartement, hein, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'en appartement, on peut avoir un animal. Bon, évidemment, il ne faut pas prendre un gros chien et le sortir au moins 2 ou 3 fois par jour. Hein. Après, vous avez une cour bien fermée hein, et ne pas l'attacher. Voilà. Nous, on ne les place pas s'ils sont attachés. Donc, lorsque l'on vient chez vous, vous demandez tout ça aux gens. Oui. Si vous avez de la place, on discute si avec vous avez eux, une cour, oui, bien sûr. Bien sûr. Et oui. Après, donc. Après, il y a un contrat donc à remplir. On demande 150 euros de participation. Et que dit ce contrat ? Eh bien, qu'il s'engage à bien s'occuper du chien et à ne pas le donner ou l'abandonner et de nous prévenir s'il y a un souci. Voilà. Et ça va coûter. 150 euros. Pour les deux vaccins, d'abord le vermifuge, les deux vaccins, l'identification par puce électronique et la stérilisation, obligatoire aussi bien chez les mâles que les femelles. Pascal Ramassamy, malheureusement, il y a de plus en plus de chiens, on en parlera aussi avec Charlie Gilbert, qui se retrouvent dans la rue, donc les fourrières en ramassent, enfin, etc., etc. À la SPA, vous n'en pouvez plus. Quelle solution ? Alors, la première des solutions, et ça fait un siècle que je me bats pour qu'on l'applique, c'est qu'on commence par appliquer la loi. L'identification de l'animal est obligatoire. Si derrière chaque animal, je pouvais mettre le nom d'une personne, je peux vous dire qu'on diminuerait tout de suite. Il y a un truc qui est effarant ici, d'accord ? La stérilisation, on la pratique pour les gens non imposables depuis 23 ans. Ah oui. Ça fait 23 ans que les collectivités locales versent des millions par an pour la stérilisation. On a toujours tant de chiens, d'accord ? Alors qu'il serait évident, vous prenez une société, quelle qu'elle soit, on va prendre le département de la Réunion. Il faut prévoir, dans les 10 années à venir, si on fait plus d'hospices que de maternelles. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un recensement de la population. Chez les chiens, les chats, ça n'a jamais été fait à la Réunion. C'est facile. Vous rendez obligatoire, sous peine d'amende, l'identification. Gratuit pour les gens non imposables auprès de services et payant pour tous les autres. Avec contrôle de policiers municipaux. Votre chien est dans votre cour ? Oui, mais je veux voir sa carte d'identité. Maintenant, ça nous permet d'avoir un fichier. Vous avez fait identifier, que ça soit gratuitement ou que ça soit en payant, des chiens qui avaient 3 mois. Vous envoyez la police municipale ou une équipe quelconque voir. Votre chien a 7 mois. Je peux la voir. Elle est gestante. Attention, c'est vous qui allez payer cette fois-ci l'identification des chiots. Ou alors, on fait tout de suite une hystérectomie. Mais vous payez. Et c'est fini. Tant qu'on n'a pas mis ça en place. Mais on n'applique pas la première lettre de la loi. Non, puis vous savez, il y a des gens qui les vendent dans la rue. L'autre jour, à côté d'un magasin Simpli, il y avait un monsieur qui avait un petit étal de légumes et de fruits. Il avait à côté de lui une cage. Il avait 7 pinchers dans sa cage. Il les vendait 10 euros. Non identifié, non vacciné, évidemment. 10 euros. Et quand la bénévole m'a téléphoné, que je lui ai dit, va les chercher, on les achète et on va le signaler à la police, hein, eh bien, il en restait plus que 2. Mais on va signaler, il est signalé déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une part, d'accord, de ce qu'on appelle, nous, l'éducation sociale du chien, c'est-à-dire la place du chien dans la société, qui n'a pas été développée à La Réunion. D'accord. Vous avez commencé. Moi, ça fait la troisième génération de personnes que je vois passer. J'ai vu passer les grands-parents, les parents, aujourd'hui les enfants qui arrivent avec leurs animaux. On voit l'évolution, d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, dans beaucoup de familles, qui médicalisent leur animal, mieux, qui médicalisent, entendons-nous bien. On voit le comportement changer, d'accord, dans le choix du chien. D'accord. Autrefois, c'est je veux un boxeur parce que papa avait des boxeurs, j'ai grandi avec des boxeurs. Aujourd'hui, je préfère telle race, ou je veux tel chien, ou j'ai pris tel chien. Mais, j'allais dire presque instinctivement, ils ont le suivi sanitaire du chien. Je viens pour le premier vaccin, ils vous disent je viens. Dans un mois, je serai là pour le rappel. Le vermifuge, je vais vous en prendre pour 7-8 mois. Bon, ces gens-là, ça fait. Par contre, cette formation, elle n'a pas été divulgué. Et à côté de ça, il reste... Moi, j'avais fait en 90 une étude sur le problème des chiens errants à La Réunion et j'avais fait la remarque suivante. Vous passez dans n'importe quel quartier. Vous arrivez devant une boutique, vous allez voir 3 bonhommes qui tiennent le mur de la boutique avec une bière dans la main et 3 chiens qui prennent le soleil. Vous arrivez, vous caressez le chien, vous dites, il est joli. À qui est le chien? Et 3 vont vous regarder en vous disant, je sais pas. C'est à personne. Faites 2 kilomètres, vous allez à la boutique suivante, vous avez le même tableau. Là, vous arrivez, vous caressez le chien, vous dites, t'es joli, tiens, viens, je te prends. Je vais te prendre avec moi. Et là, il y a un bougre, tu ne touches pas mon chien, c'est à moi. Tout simplement parce que ce côté de non-appartenance, alors, est-ce que c'est un vieux reste d'un besoin de liberté? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un manque d'éducation? Je ne sais pas, je ne suis pas sociologue. D'accord? Mais vous avez cette espèce de poule de chiens communautaires, même pas bâtardisés, de chiens qui fait partie du décor. En clair, pour certains, le chien doit vivre dans la rue, Charles Guilbert ? Non, il ne doit pas vivre dans la rue déjà. Ça évite pas mal de... Que c'est normal pour des personnes que le chien soit dans la rue. Un chien dans la rue, c'est dangereux, soit quand ils sont en meute ou bien pour les automobiles, etc. Et pour les motos. Et les motos, et pour le chien aussi. Maintenant, ce qu'on voit énormément, c'est que j'ai un chien à la maison, ou 2 chiens à la maison. Le matin, j'ouvre le portail, allez faire votre tour, allez faire vos besoins chez le voisin, et puis vous rentrez quand vous voulez. C'est ce qu'on voit le plus fréquemment à La Réunion. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et sur l'identification, elle doit être... Obligatoire. Obligatoire. Ouais, obligatoire. Oui, mais ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse les retrouver. Hein. Oui, mais là où je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y ait pas eu de démarche d'informations coercitives. Je vous donne un exemple. Le jour où on a dit la radiata est protégée par la Convention Washington, elle doit être pucée. La tortue radiata. On a mis le laboratoire Viabac en rupture. Au cours d'une réunion à la préfecture, j'avais dit, mais avez-vous estimé la population de radiata? On me dit environ 20 000, je lui dis environ 300 000. Il me dit, c'est impossible. On a mis Viabac en rupture de puce électronique pendant 4 mois. D'accord? Parce que les gens, on leur a dit, c'est obligatoire, on va contrôler. Ils l'ont fait. Mais pour les chiens, il n'y a jamais eu un seul décideur politique qui ait eu le courage de dire « c'est obligatoire, ma police va contrôler ». D'accord ? Un chien qui a plus d'un mètre vingt de son chien est considéré comme en errance dans le code rural et passible d'une amende. À un mètre vingt du maître, il est considéré en errance, même s'il est au bout d'une longe. Ah bon ? Même s'il est au bout d'une longe. 1,20 m distance sur un lieu public. Ah d'accord. D'accord ? Alors, quand vous prenez le bouc, mon chat a l'habitude de marcher à côté de moi. Je dis, ouais. Et quand l'autre personne va arriver en face avec un petit chien, comment allez-vous réagir? Pascal Ramassamy, vétérinaire, Charlie Guilbert, éducateur canin, Denise Sula de la SPA. Ils sont avec nous ce matin pour répondre à toutes les questions. Vous pouvez aussi laisser des messages par SMS au 06 92 70 2000. Et puis Mathias qui vous accueille au standard au 02 62 99 2000. 8h, 10h, la colle Jacques avec Jacques Revel. À l'émission des signes de terroir, ça que nous yème. Ah ben là, moi les devant ma rouge à la. Tu gagnes l'ail quand les confits d'un piment les bons. Radio Ménage. Vous l'avez comment la voici dentaire. Partagez vos croyances et légendes. Les gens y parlaient avant, maintenant est-ce que les vrais et pas vrais. La colle Jacques avec Jacques Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Quel est le chien que vous avez à la maison? Pourquoi votre choix s'est porté sur cette race particulièrement? Est-ce que c'est un chien qui d'ailleurs se fait apprécier, aimer dans la famille? On peut en parler. On a des conseillers ici, des experts, pour répondre à toutes les questions au 02 62 99 2000. Et puis Denise Sula nous dira les démarches à faire pour adopter les chiens. Mais tout à l'heure, on en parlait déjà. Mais du coup, et puis surtout pour d'autres questions. A cause sur la visa, mais pas si compliqué. L'itien a son métier, l'y vit sur la vie tranquille. Les finis, un petit coin dans la Réunion. Dans un petit village, là-bas la campagne. A cause sur la visa, mais pas si compliqué. L'itien a son métier, vit sur la vie tranquille. Dans mon allée, pourtant d'ailleurs, l'été ça vaut la vie en mer. Mais l'idée connaît pas, si son ville est en jeu. Grand monde dans l'été pourtant gaillard. L'été ça vaut la vie en mer. Mais l'idée connaît pas, si son ville est en jeu. Grand monde dans l'été pourtant gaillard. L'été ça vaut la vie en mer. Mais l'idée connaît pas, si son ville est en jeu. Grand monde dans l'été pourtant gaillard. L'été ça vaut la vie en mer. Mais l'idée connaît pas, si son ville est en jeu. Grand matin, il est bien bonnet, il pense au pire qui allait. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il est bien bonnet, il pense au pire qui allait. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il est bien bonnet, il pense au pire qui allait. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il est bien bonnet, il pense au pire qui allait. Écoute météo, qu'il est marré pour Saint-Paul qui patiente au standard de la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Julie, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez les experts qui sont là. Et votre question concerne votre chien. C'est un staff croisé, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est un chien que j'ai chez moi depuis l'année dernière, au mois de juillet. Enfin, un ami nous l'avait confié pour 3 mois, mais l'a jamais récupéré. Donc, je l'ai pas eu petite. Elle avait déjà 1 an. Et en fait, le problème, c'est qu'elle a un gros problème avec les enfants. Par exemple, dès que quelqu'un vient chez nous, s'il y a un enfant, elle va se tenir à l'écart. Si l'enfant va trop vers elle, elle grogne. Mais elle montre pas les dents, mais on voit qu'elle a peur. Et en fait, c'est un peu... Pour nous, c'est galère, en fait. On sait pas trop quoi faire. Et ça fait combien de temps que vous l'avez chez vous? Depuis le mois de juillet l'année dernière. Non. Ça fait depuis, plus d'un an maintenant. Depuis 1 an. Et le chien, à quel âge? Et là, elle a 2 ans et demi à peu près. Elle est du mois d'avril 2014. C'est une femelle, oui. Oui, Pascal Ramassami, vétérinaire. Madame, je vais faire un parallèle. Je suppose que vous avez votre permis de conduire et que vous conduisez une voiture. Oui, même un camion, même. Oui. Est-ce que vous accepteriez que la pédale de frein réponde une fois sur deux? Non. Vous risquez un accident. Voilà. Ben, c'est la même chose avec votre chien. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il peut très bien arracher la figure de votre enfant. D'accord, ok. Bon, okay. Personne ne pourra vous dire qu'un chien qui grogne va s'arrêter au grognement. Pascal Ramassami, vous êtes direct là. Hein. Oui. Ouais. Parce que ce sont des accidents qu'on a vécu. Quand on nous amène un chien euthanasié parce qu'il a déjà mordu une nénène, ma tante, et qu'il s'est attaqué au gamin, vous dites quoi? Ouais. Vous avez attendu 3 accidents pour réagir? Ouais, moi, j'ai eu des clients dont les enfants finissent en chirurgie esthétique parce qu'il manquait une joue. Ben ouais, je sais que ça peut être très très grave, mais par contre, on le voit, elle fait un grognement, mais elle montre pas les dents, quoi. Elle essaye de se cacher. Mais madame, personne ne peut vous dire jusqu'où elle va s'arrêter. Est-ce qu'elle grogne parce qu'elle a peur des enfants? Est-ce qu'elle grogne parce qu'elle aime pas les enfants? On sait pas. Bon, le truc en plus, c'est qu'un chat, c'est un chat qu'on n'a pas choisi, étant donné qu'on nous l'avait confié. Oui, oui, oui, non, non, mais... Et du coup, je devrais faire quoi? Je peux aller la piquer. Charlie Gilbert. Compliqué. Déjà, votre staff, même s'il est croisé, vous devez le déclarer en mairie. Vous devez avoir fait un stage et vous devez avoir le XO, c'est-à-dire le certificat de sociabilité. Mais après, sur les papiers, c'est écrit Royal Bourbon. C'est nous qui remarquons qu'elle a quand même le corps du staff. Ouais, et mais donc bon, voilà. D'accord. Mais sur les papiers, excusez-moi de vous interrompre, madame. D'accord. J'ai participé à la formation qu'ont reçue tous les policiers municipaux où la loi dit morphologiquement semblable à un staff. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur n'importe quel chien, nous, vétérinaires, quand vous nous amenez un chien qui n'a pas un pédigré de naissance, nous écrivons « chien de compagnie ». Type racial, nous demandons la description du maître. Pour la couleur, même s'il est noir, vous me dites blanc, j'écris blanc. D'accord? Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que pour n'importe quel expert, quel qu'il soit, du policier municipal au vétérinaire expert auprès des tribunaux, d'accord? Oui. Votre chien a du sang Amstaff. À partir de ce moment-là, le gros souci, d'accord, étant donné qu'il n'est pas dans les clous de la loi, c'est-à-dire stérilisé, identifié, vacciné contre la rage, vous n'avez pas de certificat de détention, lui n'a pas un certificat de comportement. En cas d'accident, ce chien mord un enfant d'une amie à vous. Cette personne vous met devant un tribunal, assurance ne va vous couvrir. Julie, on revient vers vous dans quelques minutes sur la première, d'accord? D'accord. Voilà, parce que les conseils sont très importants, il faudra les mettre en application surtout. Restez bien avec nous on vous rappelle juste après l'info. Ok, j'attends. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run In Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Jean-Claude Méchir, alors ces nouvelles technologies dans l'Ouest à Saint-Gilles, s'il vous plaît. Elles sont impressionnantes ces technologies. Ce sont aussi de nombreux jeunes qui sont sur ces stands. En l'occurrence, j'ai un jeune qui a une légère moustache qui a commencé à blanchir. Il se prénomme Monsieur Boyer. Je suis sur le stand de Bitechnologie. Alors ce sont des solutions pour la téléphonie à l'entreprise. Bonjour Monsieur Boyer. Oui, bonjour. Expliquez-moi ce que vous proposez à ces professionnels. Alors, vous simplifiez la vie au téléphone, c'est ça? Voilà. C'est une solution de téléphonie d'entreprise qui permet de faire des communications de téléphone classique ou des communications vidéo, soit en conférence ou en point-to-point. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe par un opérateur normal ou est-ce que c'est par l'Internet? Alors, c'est par Internet. L'Internet est desservi ici par pas mal d'opérateurs, donc ça permet d'avoir des communications à meilleur coût. Voilà. Installation simple, facile, plus cher, moins cher? Très simple. très très simple. Une position de travail, un poste, c'est de l'ordre de 2 minutes. Idéal pour un standard ? Idéal, idéal. Il y a pas mal de clients qui se sont équipés chez nous. Il n'y a plus besoin de gros systèmes de PABX ou autocommutateurs dans notre jargon. On met juste une petite boîte qui permet de desservir 200 postes et puis on les empile s'il faut beaucoup plus de postes. Voilà. Merci Monsieur Boyer. Vous l'aurez compris, la technologie s'est donné rendez-vous à ce salon Rolling Tech. Et je vous le disais, c'est vrai qu'il y a de nombreuses start-up. Cet après-midi, nous serons avec Nicolas. Il faudra vraiment l'écouter, d'une société qui est basée sur New York. Il vient à La Réunion et la plupart de ces jeunes exposants avec des start-up me disent on a des produits qui se vendent, qui s'exportent. Et à La Réunion, eh bien, on a du mal à placer nos produits. Donc, si on veut vivre, on est obligé de s'exporter. Donc voilà, venez voir ce salon, venez découvrir. Et ce ne sont, on va le rappeler encore, c'est vraiment une fierté pour tous ces Réunionnais qui sont là aujourd'hui. Ce ne sont que des Réunionnais qui vous proposent leur technologie, leur savoir-faire. Et ce sont des spécialistes qui sont dans ce salon. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Running Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Bonne fin de matinée à l'écoute de La Première, il est 11h. L'info sur La Première. Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, une série d'accidents sur les routes qui a commencé hier soir. Il était 21h30 quand une femme d'une quarantaine d'années a été renversée par une voiture sur la 4 voies au niveau de Saint-André. Prise en charge sur place par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale du SMUR, la piétonne était dans un état critique lors de son évacuation vers le centre hospitalier de Saint-Denis. Un autre blessé grave ce matin sur la route vers 6h15 à La Possession. Il s'agit d'un motard de 19 ans entré en collision avec une voiture. L'accident a fait donc un blessé grave. Ce motard, il a été admis à l'hôpital Gabriel Martin. Enfin, peu avant 7h, à Bras-Panon, un car scolaire et une voiture se sont heurtés. Une femme âgée de 30 ans a été légèrement blessée, mais les 35 élèves qui se trouvaient à bord du bus sont indemnes. Justice aux assises. Le parquet avait requis 14 ans de réclusion criminelle, mais hier soir, la cour a prononcé une peine de 8 ans d'emprisonnement à l'encontre du quinquagénaire reconnu coupable de viol sur une fillette de 11 ans, un crime commis dans une grotte où cet homme avait emmené la victime, mais le jury n'a pas retenu les faits de séquestration. Arrivé libre à son procès lundi matin, l'accusé a été placé en détention à l'issue du verdict dans la soirée d'hier. Le quinquagénaire, qui a nié les faits tout au long de la procédure, envisagerait de faire appel de sa condamnation. En sport, football, à La Réunion, dans 3 mois, 2 nouvelles élections seront organisées pour désigner le nouveau comité directeur de la Ligue réunionnaise de foot. Et on l'apprend ce matin dans les colonnes du GIR. Yvette Ève a bien l'intention de se présenter pour faire barrage à l'actuel patron du foot pays, Noël Vidotte. Yvette Ève, qui a régné sur le football réunionnais pendant plus de 30 ans, sera notre invité dans le journal de midi sur Réunion Première Radio. Il nous dira pourquoi il souhaite revenir. L'équipe de France de football tenue en échec hier soir face à la Biélorussie lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Score final 0-0. Entré sur le terrain en seconde période, Dimitri Payet n'a pas réussi à débloquer la situation. Sport toujours, c'est dans l'actu. Juste après le journal de midi sera consacré aujourd'hui au handisport à l'occasion des Jeux paralympiques qui débutent à Rio. Aucun Réunionnais ne participera à cette Olympiade. Et pourtant, dans notre département, les personnes handicapées peuvent pratiquer de nombreuses disciplines sportives. On en reparle dans C'est dans l'actu à partir de 12h15. Philippe Dornier et ses invités attendent vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000, via Twitter avec le hashtag CDLAPremière et sur la page Facebook de l'émission C'est dans l'actu. Il est 11h et bientôt 3 minutes. On fait un point sur l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de France Info à Paris. Plusieurs syndicats de surveillants pénitentiaires en appellent au gouvernement. Maintenir des unités dédiées à la prévention en plein milieu des prisons est extrêmement dangereux, estime le secrétaire général de Force Ouvrière Pénitentiaire. Invité de France Info, dimanche, 2 gardiens ont été agressés à Oni par un détenu condamné pour avoir tenté de partir en Syrie. Des actions devant les enseignes Carrefour dans 6 régions ce mercredi. Les éleveurs bovins veulent pousser le leader de la grande distribution à acheter la viande plus chère, comme l'ont récemment fait les agriculteurs pour le lait avec Lactalis. 1 mois et demi après l'adoption définitive de la loi travail, la CGT et Force Ouvrière ne baissent pas les bras. Ils organisent avec les syndicats étudiants et lycéens notamment un meeting commun cet après-midi à Nantes contre la loi El Khomri. Une journée d'action est ensuite programmée jeudi prochain. Au Gabon, il reste 24 heures environ à l'opposant Jean Ping pour saisir la Cour constitutionnelle. C'est elle et seulement elle qui peut recompter les voix, dit ce matin sur RFI le président Ali Bongo. Sa réélection la semaine dernière est toujours contestée. L'opposition estime que la Cour constitutionnelle est rangée du côté du pouvoir. Cela se confirme, la Biélorussie ne réussit pas au bleu. L'équipe de France de football démarre les éliminatoires du Mondial 2018 par un match nul, 0-0. En tennis, la fin de l'aventure, Lucas Pouille, battu par un autre tricolore, Gaël Monfils. En quart de finale de l'US Open, le troisième français, Joe Wilfried Tsonga, blessé au genou, a lui dû abandonner contre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Un coup d'œil sur la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le temps est magnifique avec très peu de vent et des températures qui grimpent surtout très très vite. On profite un peu de ce mercredi dans l'après-midi pour ne pas changer des jours précédents. Les nuages et les hauts descendront jusque sur le littoral. La nuit sera fraîche dans les cirques et dans les plaines. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le chien, le meilleur ami de l'homme, est au cœur de votre émission Les Experts. Au 02 62 99 2000, nous sommes là pour vous conseiller, pour écouter toutes vos questions et vous donner surtout les bonnes infos. On en parle avec Denise Sula, la présidente de la SPA, le vétérinaire Pascal Ramassamy et Charlie Gilbert, éducateur canin. Les démarches, on reviendra sur ces démarches à faire pour adopter l'animal. Combien il vous faudra débourser? On parlera du prix et bien sûr, on en parlera de la santé du chien, de son comportement, comment il fait... comment il se comporte à la maison, comment faire son éducation et quelle alimentation. Surtout, 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. This was all you, none of it me. You put your hands on. Gotta let Direction le standard de la première avec Natacha. Natacha, bonjour. Bonjour. Bonjour Natacha. Les experts de ce matin, Pascal Ramassamy qui est vétérinaire, Denise Sula de la SPA et Charlie Gilbert, éducateur canin. Alors votre question s'il vous plaît. Alors ma question, j'ai un chien de race et donc elle est suivie par une comportementaliste parce que c'est un chien très puissant et donc j'aurais aimé savoir ce qu'on pouvait faire parce que j'ai beaucoup d'animaux, j'ai 8 chats. Et elle les course tout le temps. Donc est-ce qu'il y aurait une méthode pour qu'elle ne course plus mes chats? Parce que j'ai déjà eu un chien de cette même race, il dormait avec mes chats, et elle, c'est une catastrophe, quoi, avec les chats. Alors, on a entendu votre question, mais c'est quoi comme chien, s'il vous plaît? Un Rhodesian Ridgeback à crête dorsale. Alors attendez, allez-y doucement, parce que j'ai pas suivi. Rhodesian Ridgeback à crête dorsale. Le Lion Dog. C'est ce chien qui chasse les lions en Afrique. Non, les fauves. Oui. Les fauves. Ouais, il est fauve, il est magnifique. Ah, bah alors là, j'en doute pas. Alors, ce chien a une particularité, c'est qu'au niveau dorsal, les poils. C'est à l'inverse. C'est à l'inverse du poil normal. Donc, elle est fauve, elle a la truffe noire. Et elle a une espèce de crête dans le dos. C'est magnifique. Ces chiens dans mon quartier, il y en a une vingtaine. Et quand on les promène, c'est marrant, quoi. Alors, vous parliez de comportementaliste. On entend ça de plus en plus. Qu'est-ce que c'est, Charles Gilbert? C'est à la mode. C'est à la mode. C'est à la mode parce que moi, on m'avait proposé. Je me suis renseignée avec mon vétérinaire parce que j'ai des animaux. Ils sont tous vaccinés. Ils ont tous leur vaccin tous les ans. Ils sont stérilisés parce que voilà. Donc je m'occupe de. C'est si on a des animaux, on s'en occupe comme si on a des enfants, on s'en occupe. Voilà. Après, donc j'ai déjà vu un chien de cette race, mais il était croisé Labrador. Donc mes chats dormaient avec lui. Et là, je suis un petit peu embêtée parce que mes chats vivent en l'air maintenant. Ils sont sur les croûtes, dans l'escalier, machin. Voilà, ils se sauvent. Voilà, c'est le matin, c'est le cirque à 6h du matin pour leur donner à manger. C'est le cirque parce qu'ils ont tous la dalle et c'est vraiment le cirque. Enfin. Non mais est-ce qu'elle ramasse Annie, oui. Je voulais vous poser juste deux questions. Le chien, vous l'avez eu à quel âge? Je l'ai eu à 4 mois. Et le chat le plus âgé à cet âge-là, à cette époque-là, avec quel âge? Alors la chatte la plus âgée, elle doit avoir 10 ans. Voilà. Alors je vous explique. Ce chiot, quand il est arrivé à la maison, pour lui, les chats et les autres, enfin tout ce qui était animal, pour lui dans sa tête, c'est petit animal, donc jeu. Sauf qu'un chat déjà adulte, lui a un territoire et continue à le défendre, d'accord? Donc maintenant que le chien a pris un petit peu d'assurance, pour elle, ses chats, elle les course, mais presque pour un jeu, j'ai dit presque un jeu de marmaille en cours de récréation. Elle veut jouer, parce que bon, c'est un chiot encore, hein, voilà. Elle aura un an, quoi, c'est un chiot de 33 kilos, quoi. Voilà, non mais, voilà. Mais pour elle... Et donc elle saute... Voilà. Je sais que tous les chats se barrent devant elle, sauf un, qui est un gros patapouf angora, et qui lui met des baffes, et d'ailleurs elle l'évite, elle pleurniche. Quand elle le voit, elle pleurniche. Mais il a su s'imposer. Oui, mais ce qui se passe, si vous voulez, dans la tête du chien, c'est qu'il s'agit d'un jeu, certes violent compte tenu de son gabarit, mais dans sa tête, c'est un jeu, c'est pas de l'agressivité pure vis-à-vis des chats. Sauf que les chats, ils se sentent dérangés dans leurs habitudes, qui étaient déjà acquises, et sur leur territoire. Vous voyez? Donc, vous aurez beaucoup de mal, si vous voulez, à changer le comportement de votre chien et celui de vos chats, d'accord? Si ce n'est qu'à la longue, le jeu, avec un peu de chance, le jeu n'intéressera plus personne. Ou alors le jeu va continuer à l'intéresser. Et le Rhodésian, faut pas oublier que le Rhodésian et les autres chiens, c'est des prédateurs. Donc c'est vachement marrant pour l'instant de s'amuser comme ça. Mais le jour qu'il va en croquer un, il va prendre de l'assurance. Et là, ça peut... Je pense pas qu'elle en croquera un. Parce qu'elle l'aurait déjà fait. Non, oui, mais elle est vraiment imposante. Non. Je pense pas qu'elle me coquera un chat, mais disons que je voudrais que mes chats vivent mieux, quoi. Ils sont stressés. Ouais, je comprends bien, mais là pour l'instant, ils perdent leur poil, donc faut prendre des croquettes spéciales calmes. Il y a plein de trucs, quoi. Donc. Mais c'est un petit peu le problème, si vous voulez, quand vous avez des animaux, que vous en prenez un autre. Vous voyez? Il y a comme une sorte de concurrence, de la jalousie. Il y a plein de choses. Elle est très jalouse, elle est très très, ouais, très, très, très il y a plein de choses. Il y a le côté jalousie, le côté je veux être le premier de la classe et le plus près de ma maîtresse ou de mon maître, et puis le côté ben moi j'étais là avant et tu me déranges. Oui, non, mais elle, elle n'était pas là avant. Non, mais les chats étaient là avant. Elle est, non, mais des, oui, des ridgebacks sont un peu spéciaux, quoi. Moi, je sais que je travaille chez moi et personne ne peut m'approcher. C'est pas réservé aux ridgebacks, hein. Comment ? C'est pas réservé aux ridgebacks. Tous les chiens sont quasiment comme oui, ça. Oui, voilà, hein. Les golden aussi. J'ai une copine qui a un golden, c'est la même chose. Le pire du pire, madame, c'est le pincher ou le spitz ? Le pire des pires. Ah oui, le pincher. C'est sa maîtresse ou son maître. Le pincher, c'est le tout petit chien. Voilà, 1,5 kg, 1,8 kg. Très possessif. C'est le pire. Et c'est lui qui mène la baraque. Hein. Un chien d'un kilo 8, mais mes chats sont plus gros que lui, ils le mangent. Ah ben, vous savez, dites pas ça. J'ai déjà vu ces chiens mettre dehors les rottweilers de la maison parce qu'ils voulaient s'avancer sur la véranda. Ouais, non, mais je suis pas très petit chien parce que oui, ça. Non, mais ce que vous dites, c'est que le comportement je suis chez moi, ça c'est à moi, il faut pas venir sur mon territoire, vous l'avez avec tous les chiens, pas qu'avec le ridgeback. Alors, pour Natacha, que doit-elle faire ? Charlie Gilbert. Bah, moi, je veux insister, c'est que le Rhodésien est encore jeune. Oui. Elle va prendre du caractère, elle va encore prendre du poids, prendre de la force. Et puis le jeu, ça peut, faut faire attention, ça peut glisser vers de l'agressivité, envers les chats. Ça, c'est pas, c'est possible, c'est possible. Maintenant, comme je vous ai dit, alors maintenant, moi, je m'en occupe beaucoup. On joue beaucoup toutes les deux. Comme je vous disais, j'adore les animaux. Donc, on a le jeu de la corde. Je cours. Mes voisins doivent me prendre pour une dingue. Je cours avec elle dans mon terrain avec une corde. On joue beaucoup. Elle est très attachée à moi. Je suis très attachée à elle, vraiment. Ouais. Et je pense pas qu'elle agresserait mes chats, mais je voudrais que mes chats vivent mieux, quoi, qu'ils perdent pas leur poil, que ça ne fasse pas une plombe avec les laitons. Parce qu'elle ramasse amis vétérinaires. Ben, disons que si j'ai un conseil à vous donner, surtout avec un ridgeback, en fait, les chiens de gros gabarit, d'accord ? Quand vous en occupez beaucoup, ce qu'il faudrait essentiellement, c'est que vous et elle sortiez le plus souvent de la maison, ne serait-ce qu'en voiture, et soyez placés dans des situations où il y a beaucoup d'autres personnes. Sur ces gros animaux, moi, je demandais à mes clients de remonter la rue Maréchal Leclerc le samedi après-midi, vous voyez ? Qui la foule, les enfants, les sachets, ce qui fait qu'après, quand elle est chez elle, elle devient, si vous voulez, beaucoup plus calme, elle vieillit mieux. Elle mûrit mieux. Alors, comme elle est sur Saint-Gilles, elle frappe la Tocaillou au lieu de la rue Maréchal Leclerc. Oui, ça sera peut-être plus simple. Mais ce que je veux dire, c'est. Voyez un truc bête. Saint-Gilles, c'est la rue Général de Gaulle à Saint-Gilles. Ouais, voilà. Mais, vous voyez, voilà. Un truc bête. C'est pas le même, mais c'est pas grave. Le chien qui, en voiture, entend la mobilette qui pétarade, entend le gros camion qui freine, la première fois, il est capable de faire en place, tellement. C'est besoin sur place, tellement il a peur. Et plus. Elle adore la voiture. Voilà, mais plus il va associer ses stimuli externes au monde externe à sa maison, plus chez lui, vous pourrez raisonner. Il court chez les chats, vous criez après, viens ici, on ne joue pas à ça. Plus vous allez répéter cela, plus vous arriverez à endiguer et à contrôler ce jeu, quitte à le, voire même peut-être le faire disparaître. Voilà, Natacha. Ouais, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée avec la première. Bonne journée, au revoir. 10h midi, les experts avec Claude Montani. Vendredi et samedi, One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. L'émission des nouvelles tendances, des nouveaux talents de la rue, nouveautés hip-hop, R&B, dancehall, reggae, trap, interview de malade, ambiance dance floor du début de week-end. Mets-toi bien, bébé. One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. Vendredi et samedi, de 20h à 23h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place ? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montani. Ben l'oncle Soul sur la première et puis nous irons retrouver les auditeurs au 02 62 99 2000. Pascal Ramassani, vétérinaire, Charlie Gilbert, éducateur canin et Denise Sula de l'aspect. J'ai pas le regard de Spike Lee. Rendre un chien doit être un acte réfléchi, ne pas agir de façon spontanée et surtout étudier la situation familiale. C'est très important. Nous allons retrouver Julie au téléphone sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montani. Julie, juste avant l'info de 11h, on a écouté votre histoire avec ce staff croisé. Ça fait un an que vous l'avez. Oui, voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui vous l'a laissé et du coup, vous avez des enfants à la maison. Non, j'ai pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants. Non, par contre, c'est en projet. Même ça, quand des gens nous rendent visite avec des enfants, on voit bien qu'elle est pas à l'aise. Elle va dehors, elle s'en éloigne. Ouais. Et si l'enfant il insiste trop vers elle, on a déjà entendu des grognements. Donc nous, ça nous fait flipper, quoi. Julie, vous n'avez pas vu la tête de nos experts lorsque vous avez dit qu'il y a un projet d'avoir des enfants à la maison. Ben ouais, je sais. Non, mais c'est pour ça que j'appelle aussi. Mais c'est irréversible. On peut pas, par exemple, même si on payait l'éducation, quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Bon, que... on va trouver une solution pour vous, d'accord? Denise Sula de l'ESPER, votre sentiment s'il vous plaît. Bah déjà, de toute façon, il faut qu'elle se mette en conformité avec la loi. Hein, déjà ça. Déjà. Et puis ensuite, moi je pense que si vous envisagez d'avoir un bébé, il ne faut pas garder le chien. Hein. Ça, alors là, ça c'est évident. Mais alors, un chien qui a un comportement comme ça, ça ne peut pas, entre guillemets, se soigner par exemple. Enfin, éducateur canin qui va parler, Charles Guilbert. Alors est-ce qu'on pourrait faire changer le comportement du chien? Vous n'aurez jamais 100% confiance en votre chien. Non, donc, vous aurez toujours un doute, vous aurez donc une relation de méfiance. Et les chiens les plus dangereux, c'est ceux qui deviennent agressifs, c'est ceux qui ont peur, qui sont craintifs. Voilà, ça se voit dans son comportement que c'est de la peur qui est là. Et je sais que dans ces cas-là, ça peut être imprévisible, quoi. Voilà, c'est les plus dangereux parce que vous ne savez pas à quel moment ça va se déclencher. Alors, si moi je vous donne un conseil, c'est soit le bébé, soit le chien. Voilà, c'est tout. D'accord. Oui, alors là, oui, Pascal Ramassami, vétérinaire, pour dire les choses. Tout à fait l'avis de ce qui a été dit précédemment. Et vous savez, madame, tout vétérinaire que j'ai, je sois, toute passion que j'ai pour les animaux, un chien comme le vôtre, dans le cas où nous sommes, ne doit pas vivre. C'est triste quand même. Madame. C'est un chien, à la base, on devait la garder 3 mois, la personne ne l'a jamais récupéré, donc là maintenant ça fait un an qu'elle est chez nous. Vous n'êtes pas. Mais je me permets de parler ainsi, madame, un peu en me fondant sur mon expérience. Vous n'êtes pas la première à vivre cette situation. Et si vous pouvez remonter un peu dans les archives, voyez ce qui est arrivé au petit Sacha. Mais après, je ne veux jamais quelque chose comme ça, même si c'est pas. Non, jamais, je ne veux pas être responsable de quelque chose comme ça. On a du mal à l'envisager. Mais un chien peut, à tout moment, être dangereux. Alors, en plus, là, vous avez un chien qui est craintif, qui n'aime pas les enfants, et vous allez avoir des enfants. Ben ouais, j'aimerais bien, ouais. Ne prenez pas ce risque, madame. Là, dans ces cas-là, j'ai une expression qui est simple. Garder ce chien, pour vous, c'est tricoter votre malheur. D'accord. Alors, que doit-elle faire, là? Elle voit avec son vétérinaire. Vous voyez avec votre vétérinaire, avec alors, ne le placez pas, ne le donnez pas. Vous savez qu'il est comme ça, il le sera comme ça ailleurs. Moi, je vous dis, on doit prendre ses responsabilités, autant nous professionnels que vous, maître. Allez voir votre vétérinaire et expliquez que votre situation et dites que vous voulez qu'on euthanasie ce chien. Ça sera fait sous anesthésie, en toute quiétude, mais ne laissez pas un danger comme ça auprès de vous. Bon, au moins c'est clair, au moins, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Ouais. Ça fait mal, mais bon, moi, oui, je oui, veux non, faire. Mais vous n'êtes pas... C'est vrai, voilà. Bon. Ok. Julie. Bon, je vous remercie en tout cas. Je vous en prie, madame. Merci, d'avoir appelé, à très bientôt. On a 10h midi, les experts avec Claude Montani. Sylvie Dutampon, bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour. Ça vous a un petit peu choqué les propos de tout à l'heure ou pas, non? Non. Après, on peut comprendre. En fait, je veux dire, c'est triste, quoi. Voilà, mais c'est que des fois, vous prenez des résolutions, je pense que... Ouais. C'est pas évident. Surtout quand on s'attache à l'animal et tout, voilà, quoi. Sylvie, alors ça concerne votre berger allemand? Non, en fait, pas tout à fait. Voilà, je vous explique. En fait, j'ai ma berger allemande. Bon, ma berger allemande, je sais pas. Alors, attendez, Sylvie, vous pouvez prendre le téléphone parce qu'on a du mal à vous entendre, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez là? Très mal. Ah, zut, oui, c'est le réseau. Alors, allez-y. Là, vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. Je me déplace, vous m'entendez mieux? Allez-y. Voilà, alors en fait, j'ai une chienne donc qui a 13 ans, elle est stérilisée, c'est une de mes mères, elle est très tranquille. Il y a 3 ans, il y a un chat qui nous a adopté, donc on l'a gardé avec nous, il se sent très très bien avec ma chienne, pas de souci. Et là, je viens de réadopter un petit chat, une petite chatte qui était perdue, donc je l'ai récupéré, je l'ai fait venir il y a 2 mois à la maison. Donc ça se passait plus ou moins avec bon mon chat ça va mais ma chienne bon plus ou moins ça va elle passe et elle a été stérilisée lundi dernier et depuis qu'elle est rentrée elle attaque ma chienne la petite chatte elle a 7-8 mois elle ouais. attaque ma chienne c'est un berger qui a 13 ans oui mais c'est oui ouais. oui non elle est tranquille mon ouais. chat et mon chien sont très tranquilles mais c'est la petite minette qu'on a récupérée ouais, ouais. elle a 7-8 mois depuis qu'elle est stérilisée la semaine dernière ouais. son comportement a changé vis-à-vis de ma chienne elle me l'attaque. C'est vrai cette histoire que lorsque l'on stérilise l'animal, le comportement change. Non. Ça, on entend souvent, ça. Ça serait aberrant. Vous avez un appareil qui fonctionne 2 fois par an, je ne vois pas comment il peut gérer le caractère du chien. D'accord. Fait, non. Mais non, là, ce qui s'est passé, madame, n'ayez crainte, ça va s'estomper. Ce sont, si vous voulez, c'est un des contre-coups de l'anesthésie générale. D'accord. Ah oui, je pense aussi. Ah. Je vais attendre. Bon, il n'y a pas de. C'est vrai qu'après c'est exigeable parce que je suis obligé. Non, mais ça va se passer. Si vous voulez, on sait très bien que les contre-coups d'une anesthésie générale, dans 99% des cas, il n'y en a pas. D'accord. Et puis oui. il reste 1% où l'animal a un comportement un peu bizarre, un peu comme si on avait effacé, si vous voulez, le disque dur du cerveau. Mais en oui. fait, non, ça n'est que passager, d'accord. Et j'allais dire l'équivalent du surmoi, c'est-à-dire l'éducation, va reprendre le dessus. C'est-à-dire pour l'instant, ce chat, bon, il aurait pu, là, il embête votre chienne, il attaque, elle est vieille, tout ça, embêtant, mais c'est quand même mieux que de se sauver. Parce qu'on ah oui, oui, oui, vous voyez par contre, elle a complètement changé. Elle est câline avec nous. Voilà, ça, elle est, tout ça. Il faut toujours qu'elle soit sur nous. Par contre, la minette, elle est. Non. Mon Dieu, elle est câline. Elle s'est accaparée de nous, quoi. Voilà. J'ai mes 2 garçons avec moi. Mais c'est incroyable, quoi. Elle est. Mon Dieu, on peut que s'attacher, quoi. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Le comportement vis-à-vis de la chienne va changer. Soyez rassurés, Sylvie. Ah, d'accord, d'accord. C'est ce que je pensais aussi, mais si des fois il y avait eu quelque chose, enfin, des connaissances de vos parts, je prenais soin des conseils, quoi, voilà. D'accord. Ça, quoi. Voilà, d'accord. Sylvie, merci. En tout cas, merci pour votre émission et bonne journée, alors. Merci aux experts. Merci. Jocelyne de Saint-Paul. Bonjour, Jocelyne. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous apporter un autre trait du caractère du Jack Russell. J'en ai un à la maison. Le petit chien, le chien de chasse, là, oui. Ouais. oui. Ouais. Donc, il vient d'un élevage de métropole. On l'a repris avec un ancien propriétaire. Il est chez nous depuis 5-6 ans maintenant. Il a 7 ans. Donc, c'est un joueur, c'est certain. C'est un chien qui a besoin de beaucoup d'espace parce qu'il se dépense beaucoup. Il court dans tous les sens, il adore courir après les poules, il n'aime pas trop les chats. Ouais. Mais bizarrement, il s'entend très bien avec le chat que ma fille a ramené. Les 2 premiers jours, ça a été pénible. Mais maintenant, c'est vraiment, ils se roulent l'un sur l'autre. Avec l'autre petit chien qu'on a, c'est un York. Ils s'entendent très bien tous les 3. Mais c'est un fugueur. Ouais, le Jack Russell est un fugueur comme le Husky, apparemment. Ah là là, mais c'est un fugueur. Hein. Je vous dis, on l'a emmené chez notre fille à Saint-Paul. Il a trouvé un trou pour passer. Il est passé. Il s'est sauvé. Ben, on l'a perdu 2 jours et demi. Hein. Excusez-moi, madame, mais quand il est chez vous, est-ce qu'il fugue? Ah oui, à chaque fois qu'on ouvre le portail, il s'en va. Oula. Alors, donc, il s'en va, je l'appelle, il revient. C'est un chien qui obéit. Mais c'est un chien que s'il y a une femelle, si les femelles sont en chaleur, il se retourne, il vous regarde. Il s'en va. En vous disant, j'ai bien compris qu'il faut rentrer, mais là, je ne rentre pas, je m'en vais. Et il s'en va. Charlie Gilbert, est-ce qu'on peut réparer un petit peu cela? Si le chien est fugueur un peu, non. C'est pas il va continuer. C'est pas réservé au Jack Russell déjà. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand il revient, c'est de le gronder. Au contraire, quand il revient, faut le récompenser parce qu'il est revenu. Ouais. Hein, donc non, ça, c'est la première chose. Mais maintenant, c'est pas réservé au Jack Russell qui aime aller voir les filles. Peut-être le castrer, hein. Aussi, oui, Ça peut être la solution. S'il va voir les femelles. Denis, celui-là, oui. Oui, mais il faut justement être sûr que quand ils fuguent, c'est pour aller courir les femelles, parce que vous avez des chiens qui sont fugueurs sans qu'il y ait une femelle en chaleur. Juste pour le plaisir de se retrouver c'est dehors, c'est ça. Qui n'ont pas encore, si vous voulez, qui ne veulent pas se satisfaire de leur territoire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que plus on sort son chien à l'extérieur de la maison, dans des endroits qui sont partagés par d'autres, plus il comprend que son domaine, son environnement, c'est sa maison et son jardin. Maintenant, il sort, vous savez pas pourquoi, il peut être tout simplement, il sort juste pour s'amuser. Pour lui, il n'a pas compris qu'il y avait une limite à son territoire. Vous voyez ? Non, pour lui, il n'y a pas de limite. Ah oui, ça c'est. De toute façon, pour lui, son territoire, c'est tout le quartier où on habite. Mais le problème. Tout le village. C'est un peu le chef du village, hein, j'ai l'impression. Donc, il revient mordu de partout. Ben oui, ouais, bon, c'est ça. Il y a des gros chiens, il se bat avec eux, il est dangereux. Même pas conscient, c'est un petit chien. Il veut montrer que donc, c'est lui le patron. Voilà, ouais. C'est lui le patron. Ouais. Mais il finit par revenir. Une fois, il est parti une semaine entière. Ouais. Alors, il est parti à Maurice, il est revenu, voilà. Ouais. Il est parti dans le village et je ne l'ai pas trouvé. Et un beau jour, il est revenu. Et vous savez, un jour, il va revenir avec plein de petits. Oh là là. Il est identifié, j'espère. Il est identifié, oui. Il est identifié. Bon, c'est le principal. Il est identifié à Saint-Paul. Je l'ai retrouvé sur le trottoir, en train avec sa bande de dallons, là. Et quand je lui ai dit, bon, allez, on rentre à la maison, il m'a regardé, il a fait mine de repartir. J'ai dit, non, ça suffit maintenant. Maintenant, tu rentres parce que les enfants sont malheureux. Et il faut revenir à la maison. Allez, rentre dans la voiture. Jocelyne, Jocelyne, faites très attention, en tout cas, et puis n'hésitez pas, hein, donc à vous rapprocher de votre vétérinaire. Les éducateurs sont là aussi pour des petits coups de main, c'est important. Merci beaucoup, Jocelyne. Mais en tout cas, si le monsieur il écoute toujours, il faut qu'il fasse attention à cela, à sa clôture. Il ne faut pas avoir de trou. Et à la limite, quand il ouvre le matin, il faut être attentif quand il ouvre son portail. Et quoi qu'il en soit, c'est un très bon joueur. Et la dame disait tout à l'heure que c'était un caractériel. C'est vrai que c'est un caractériel, un petit peu jaloux par rapport aux autres chiens, mais pas par rapport aux enfants. Hein. J'ai deux petits qui sont souvent à la maison. Ils ont 8 et... ils étaient déjà plus petits. Hein, 2, 3 ans, etc. Ils ont grandi en même temps que le chien. Mais il adore les gamins. Bon, c'est bon à savoir. Merci, Jocelyne. Merci. À bientôt sur Réunion Première. Alors, on a vraiment le temps de prendre cet appel parce qu'il est de Métropole. Il s'appelle Mathieu. Il a plutôt une réponse à apporter à Pascal Ramassamy, le vétérinaire. Mathieu ? Oui, bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tout le monde, toute l'équipe. Donc, Mathieu, originaire de Moufia, Saint-Denis, à Réunion, et depuis à peu près 8 ans en Métropole. D'accord, Mathieu. Propriétaire d'un husky de 3 ans. Oui. Qui a mordu quelqu'un, qui a chiqué quelqu'un il y a 4-5 mois. D'accord. Ouais. Suite à une visite chez le comportementaliste, on a fait les choses dans les règles, hein, dresseur, machin. Ouais. Tout ça. Il a passé 2 jours et demi avec le chien, avec ma présence. Hein. Oui. Donc, le chien n'a pas mordu, il a manipulé comme il voulait, hein, sans forcément. Hausser le ton, ni être violent avec le chien. Et il m'a dit, votre chien n'est pas méchant. Donc on lui a expliqué la scène où il a chiqué la personne, entre guillemets. Il y avait 2 mâles qui jouaient ensemble. Donc, husky catégorie 5, qui se rapproche le plus de l'animal, donc du loup. D'accord ? Oui. Donc c'est un chien de meute. Chez moi, c'est une meute. Oui. Je suis l'alpha. La seule chose qu'il a dite... qui était vrai en soi, c'est que quand vous avez une meute donc qui est à la maison par rapport à ce type de chien-là, il faut que ce soit, quand vous avez un mâle, la femelle qui soit l'alpha, pour pas être en conflit avec un autre mâle. Enfin, bref, malheureusement, c'est moi l'alpha, donc il est plus en conflit que ma femme. Mais vous étiez choqué par les propos de Pascal Ramassamy, le vétérinaire, qui disait qu'il fallait piquer un chien. Non. Il faut pas piquer un chien qui n'a pas mordu. Donc il faut attendre qu'il ait mordu un enfant. Non, je dis pas non plus que ça a été mordu un enfant, mais qui dit que le chien va morder l'enfant demain. Alors, moi, je dis à la dame qui a ce chien, c'est elle qui prend le pari, c'est pas moi. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Comme on dit, comme a dit le commandant Madalis, le dernier moyen de recours de défense à un chien, on dit, j'en peux plus, il se demande, d'accord ? Oui. Il y a des solutions avant d'arriver à cela. Un homme, c'est pareil. Demain, le bouquet fatigue, comme on me dit, bébé, bidon, à où pour aller ? Mais il y a quand même un point de rupture. Il peut y avoir d'autres solutions de placer ce chien, peut-être chez une personne qui n'a pas d'enfant, peut-être chez une personne qui est seule, qui a besoin d'une compagnie. Il y a pour Mathieu de Métropole, il y a des solutions au lieu d'euthanasier donc l'animal. Le chien, c'est un être. En plus, pour des gens qui sont censés avoir une relation avec les chiens, même professionnels, mais c'est comme un docteur. Monsieur, votre enfant est autiste, mais puis qu'allez, hein? Demain, il peut. J'ai pas fait cette comparaison. Par contre, je vais vous poser une question, monsieur. Est-ce que vous avez des filles? Vous avez des enfants? Oui, bien sûr. On vient de libérer sous caution un violeur. Vous voulez l'héberger chez vous? Non, mais. Ça, c'est pareil. Il peut avoir un chien fou, il peut avoir... Après, c'est le droit quand même à la... Le chien n'a pas fait rien et c'est tout de suite condamné... Si. Il a monté, dans le cadre de la socialisation de l'animal, il monte de l'agressivité envers des enfants. Mathieu, on va aller très vite parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Merci d'avoir appelé de Métropole. Vous avez un petit bonjour à passer à la famille du Moufia. On vous a entendu que vous êtes originaire de Moufia. Sainte-Clotilde. Merci beaucoup. Merci pour la réaction. Denis Sula, le numéro de téléphone de la SPA, s'il vous plaît. On est très nombreux à réclamer ce numéro de téléphone. Alors, donc, vous avez le refuge, c'est le 02 62 28 67 78 pour le Nord. Autrement, nous avons un autre refuge sur le Tampon, où c'est le 02 62 43 45 21. Et il y a des portables aussi. Donc, au Tampon, c'est le 06 92 67 02 37. Et sur Sainte-Marie, c'est le 06 92 30 86 88. Denise Sula, la présidente de la SPA, la Société Protectrice des Animaux, Pascal Ramassami, vétérinaire, et Charlie Gilbert, éducateur canin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour ces précieux conseils. Merci encore, à une prochaine fois sur La Première. Dans nos sentiments gâtés, nous partageons la vie sans hésiter. Pour nous aimer, oui, pour l'éternité. Un cueillageon qui nous construit, un enfant qui embellit nous la vie. Dans même combat, nous l'étons survie. Sans remords, sans regret, pour nous accepter. Bouclons-nous la vie ensemble, dans même paradis. Ça a un flambeau sacré qui embellit nous les guerres, fortifie nos mentalités. L'amour, ça a un fléau qui peut détruire notre égo, embrasse-nous la vie. L'amour, ça a un flambeau sacré qui embellit nous les guerres, fortifie nos mentalités. L'amour, ça a un fléau qui peut détruire notre égo, embrasse-nous la vie. détruis-nous tout l'ego, embrasse-nous la vie. Un sentiment qui a bafoué, ça la vie qui glisse dans les marées noires. Sa création, qui pour déprimer, de laisser ses enfants non, dans le désespoir, oui, sans réaliser. Sa création, les cœurs déchirés, détrônés par la douleur, sans trouble la vallée. La pression dans son manière qui peut dévirer. Garde l'amour parental qui peut s'arriver. L'amour, ça qu'un flambeau sacré qui embellit nous les qui est fortifié nous mentalité. L'amour, ça qu'un fléau qui peut détruire nous tous les goûts, embrasse nous la vie. L'amour, ça qu'un flambeau sacré. L'amour, ça fait le fléau qui peut détruire notre ego, embrasse nous la vie. L'amour, ça fait un flambeau sacré qui embellit nos ego, fortifie nos mentalités. L'amour, ça fait un fléau qui peut détruire notre ego, embrasse nous la vie. L'amour, ça fait un flambeau. Il est midi moins le quart sur la première à 12h15 avec Philippe Dornier, c'est dans l'actu, les Jeux Paralympiques, le sport malgré le handicap, la flamme qui va de nouveau briller à Rio au Brésil, aucun Réunionnais ne participera à cette Olympiade, mais dans notre département, les personnes handicapées peuvent pratiquer de nombreuses disciplines sportives. On en parlera de 12h15 à 12h45 avec Philippe Dornier, c'est dans l'actu, les questions, les réactions, 02 62 99 2000. 4h, 5h, Sega Maloya avec Sonia. Montez le volume, réveillez-vous dans la joie et la bonne humeur, comme chaque matin. Le meilleur de la musique de notre île pour vous donner l'énergie, oui, l'énergie dont vous avez besoin. Je vous souhaite plein de belles choses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sega Maloya avec Sonia, toute la semaine, de 4h à 5h sur Réunion Première. Première. Il est midi moins le quart sur la première, direction l'ouest à Saint-Gilles pour retrouver Jean-Claude Machir. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run In Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Jean-Claude Machir qui est censé être avec nous depuis Saint-Gilles. Jean-Claude, vous êtes là, vous êtes présent? Je suis là, je suis toujours présent sur ce magnifique salon. J'étais juste sorti pour voir comment cela se passe à l'extérieur. Il y a beaucoup de monde qui viennent encore sur ce salon. Donc je rappelle, un salon qui est destiné aux professionnels avec des technologies nouvelles et innovantes, des technologies faites ici à l'île de la Réunion pour les Réunionnais. Alors je vous invite à venir aujourd'hui et demain, ce sont sur 2 jours. Et je vais retourner tout simplement voir M. Milot, puisque M. Milot, comment avez-vous fait pour réunir autant de jeunes? Est-ce que cela veut dire que la jeunesse réunionnaise bouge et de jolies filles aussi? D'accord, bah comment on a fait? Bah c'est simple, hein. On vous a fait venir, et Réunion Première, et puis voilà, la jeunesse vient et les filles aussi. Il y a un beau dynamisme sur ces stands. Il y a d'abord le reflet de la jeunesse. Alors où sommes-nous? Bonjour messieurs, dames, qui êtes-vous? Présentez-vous à nos auditeurs. Donc, moi je suis Stéphane Masson, directeur de Microstore, et vous êtes sur le stand de Microstore, qui représente les produits Apple et un certain nombre de produits connectés autour de la gamme Apple. Alors est-ce que ça veut dire que c'est le visage de la Réunion nouvelle que l'on voit ici avec tous ces jeunes, avec toute cette génération nouvelle, ces start-up, avec toute cette technologie nouvelle qui est exposée ici? C'est une projection dans l'avenir exactement, puisque ça fait partie de notre univers aujourd'hui, nous qu'on connaît, puisqu'on le baigne là-dedans, mais le principe c'est de le faire développer aux gens qui ne le connaissent pas et qui le découvrent à travers une quarantaine d'exposants qui sont dans l'innovation et dans les nouvelles technologies. Alors je suis à la maison, je n'avais pas très envie de sortir. Est-ce que vous avez une phrase pour me convaincre? Je suis un professionnel pour venir ici aujourd'hui et demain. Venez découvrir ce que les gens qui habitent à La Réunion sont capables de produire et de mettre au service des Réunionnais dans l'innovation. Merci à vous. Et bien, quand on se retrouvera cet après-midi, bien, c'est une invitation à venir découvrir vraiment ces belles technologies, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'image. Vous aurez vraiment le choix pour votre entreprise, pour l'innovation nouvelle. Et bien, tout est là, tout est réuni dans ce salon. Merci Jean-Claude, à tout à l'heure. C'est l'heure de retrouver Jean-Claude Machir en direct du salon Run In Tech avec le groupe Store et l'hôtel Alamanda. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Joie, juste avant les avis de décès. La poétise à nous depuis tout à l'heure. Chacun assise dans son coin de côté, bientôt sera l'air. Le morceau pile poil et déboule, si un sweet mélodie pile à l'air. Notre poutre ensemble et nous accoste, sans fait trop de manière. À la nous la coste, coste, nous décoller. On dirait même des lamsers. Coste, coste, nous décoller. Pour nous tous les grands bonheurs. Laisse le son tourner, nous n'avons qu'on besoin de temps lasser. Même si sa canne a son déhancé, nous connaît bien où ça l'a-t-il-é. Pandillo comme nous l'a point bombé, ne nous l'a pas ni pour essayer. Nous connaît sac nouvel. Sac déplacement, les plis qui est parfait. Et si jamais nous veut causer, ben déon nous va aller. Coste, coste, nous décoller. Pour nous plus grand bonheur. Nos cœurs ont fait l'union parfait. On dirait même des lamsers. Coste, coste, nous décoller. Dit l'amour et dire toujours, mais l'envie ça y peut passer. Comme il fait un moment, Astère nous connaît, puis trop que nous peut penser. À la nous qu'elle est con, il s'est aillé, il t'a dit c'est aillé, modé à la pour emballer. Dans notre corps, les affaires peuvent se passer. La voix de la raison finit dépasser. Costé. Costé, costé sur la première avec Joa. Il est midi moins 10, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Cisaille, Marie-Eva, née Maillot, dit Madame Guy. Madame Cisaille, Marie-Eva, née Maillot, dit Madame Guy. Décès survenu à l'âge de 83 ans. Le convoi sortira du 186 au chemin Marin-Martin à Salazy. Demain à 14h15, la bénédiction se fera en l'église de Grand-Ilette à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Grand-Ilette. Décès de Philippe Payette. Philippe Payette, décès survenu à l'âge de 50 ans. Le convoi sortira de son domicile au 6 rue Pierre Payette à la rivière Saint-Louis. Demain à 15h, la bénédiction se fera en l'église de Notre-Dame du Rosaire à la rivière Saint-Louis à 15h30, l'inhumation au cimetière de la rivière. Décès de Madame Veuve Clara Marie Léona, née Mtima. Madame Veuve Clara Marie Léona, née Mtima. Décès survenu hier, à l'âge de 101 ans, domicilié route des Jamrosa à la montagne. La veillée se fait au centre funéraire de Prima à partir de 14h aujourd'hui. Décès de Madame Veuve Aimée Rérantienne, née Noël. Madame Aimée Rérantienne, née Noël. Alice, dite Madame Lolo, décès survenu à l'âge de 92 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 87 rue Raphaël Barquisseau à Fleurimont-Saint-Paul. Demain à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de Saint-Gilles-Léo à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Villèle. Décès de Monsieur Barlagne Christophe Di Féfé, originaire de Guadeloupe. Décès survenu à l'âge de 74 ans en métropole. La veillée débute aujourd'hui à partir de 15h au centre funéraire sud à la ligne Paradis. Une prédication aura lieu demain à 15h au centre funéraire. L'inhumation suivra au cimetière de Grandbois à Saint-Pierre. Décès de Madame Veuve Nassibou Marie-Elisabeth Nébrézé, dite Noëlla. Décès de Madame Nassibou Marie-Elisabeth Nébrézé, dite Noëlla. Le convoi sortira au 41 rue Sardagariga au Gaspard à Sainte-Marie. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Marie à 16h, suivie de l'animation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Monsieur Cadet Valère Gérard. Monsieur Cadet Valère Gérard, domicilié, donc le décès est survenu hier à l'âge de 81 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Bois-Rouge. La bénédiction se fera au centre funéraire de Bois-Rouge aujourd'hui à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Monsieur Pelmont José Joseph Di Diego. Monsieur Pelmont José Joseph Di Diego, décès survenu à l'âge de 58 ans. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 14h en l'église de Colimaçon à Saint-Leu, suivie de l'animation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Veuve Vaudémont, née Nabo Marie-Lucia. Madame Veuve Vaudémont, née Nabo Marie-Lucia. Décès survenu à l'âge de 81 ans, domicilié à Saint-Paul. Le convoi sortira de son domicile au 17 rue Étienne Regnault, donc à l'étang Saint-Paul. Aujourd'hui à 15h15, la bénédiction se fera en l'église de l'étang Saint-Paul à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'étang Saint-Paul. Décès de Monsieur Singabrayan, Charlie Alex dit Matcoy. Monsieur Singabrayan, Charlie Alex dit Matcoy. Décès survenu à l'âge de 55 ans. Le convoi sortira de son domicile au 5 rue Pierre Bérégovois, appartement 54 à Sainte-Suzanne. Aujourd'hui à 14h, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Suzanne à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Suzanne. Décès de Madame Fontaine Ghislaine Janine. Madame Fontaine Ghislaine Janine, décès survenu à l'âge de 81 ans. La veillée a lieu à la chapelle ardente du Tampon. Le convoi sortira de la chapelle ardente. Aujourd'hui, la bénédiction se fera en la chapelle ardente du Tampon à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Madame Badja, née Piqueux Marie-Angélina. Madame Badja, née Piqueux Marie-Angélina, décès survenu à l'âge de 93 ans. Le convoi sortira de son domicile au 17 rue Léonus Bernard à Saint-Louis. Donc aujourd'hui à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de Saint-Louis à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de Madame Zit Marie-Elysia, dite Moment Zit. Madame Zit Marie-Elysia, dite Moment Zit, décès survenu à l'âge de 94 ans. Un recueillement se tient à son domicile au 40 avenue Raymond Verchès, appartement 14, bâtiment 3 au port. La bénédiction se fera aujourd'hui à 15h en l'église de la Suppe au port, suivie de l'inhumation au cimetière paysager du port. Et le décès de Monsieur Roger Benoît. Monsieur Roger Benoît, décès survenu à l'âge de 94 ans. La bénédiction se fait au centre funéraire de Prima demain à 14h, suivi de la crémation à 14h30. Et le décès de Monsieur Borcher Jean-Noël. Monsieur Borcher Jean-Noël, domicilié à Moutier-sous-Argenton, décès survenu le 3 septembre. La veillée se fait chez ses parents au 23 chemin Borcher au Guillaume-Saint-Paul à partir donc du samedi 10 septembre à 16h. La bénédiction se fera le dimanche 11 septembre, suivi de l'inhumation au cimetière de Guillaume-Saint-Paul. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Runi Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Veolia Eau qui informe ses clients de la commune de Saint-Pierre qu'en raison des travaux sur le réseau, l'alimentation en eau sera interrompue à partir de 11h, donc le 7, c'est aujourd'hui, pour les secteurs suivants. À Saint-Pierre, à les bassins 18, avenue Président Mitterrand, chemin du Gouffre, à la Chalem Terre Rouge, route nationale de Terre-Sainte, et la partie comprise entre Allée Bassin 18 et chemin du Gouffre, la remise en eau est prévue à partir de 15h, donc aujourd'hui, sauf incident.